Qui est-ce ? C'est Marion Dulac. C'est une actrice. Et à côté, qui est-ce ? C'est Jack Black. C'est son mari.